والحديث له طرق ذكرها الإمام ابن عبد البر رحمة الله عليه في جامع بيان العلم وفضله كتاب النفيس كتاب النفيس في بيان العلم وفضل العلم وفضل العلماء et c'est une référence جامع بيان العلم وفضله للإمام أبي عمر يوسف بن عبد البر رحمة الله عليه فذكر طرق لهذا الحديث qu'on va citer أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم طلب العلم c'est une فريضة c'est une obligation على كل مسلم لفظ كل مسلمة لا أصل لها ويغني عنها ما جاء في الحديث على كل مسلم et là chaque année ça englobe le mort les anna tous les nosos ça concerne l'homme et la femme sauf si on a un dalil qui montre que c'est réservé que pour l'homme ou que pour la femme فهذا الحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم ça englobe le mort فلا حاجة للفظ كل مسلمة et on ne le cite pas لأنه لأن هذه اللفظة لا أصل لها قال أبو عمر ابن عبد البر رحمة الله عليه قال قد أجمع العلماء après avoir cité ce hadith قال قد أجمع العلماء على أن من العلم ما هو فرض متعين على كل امرئ في خاصة نفسه إجمع العلماء l'unanimité des savants أن من العلم il y a des choses que chaque musulman il doit connaître. Personne n'est excusé de ne pas faire d'efforts à apprendre fi hada. Là chaque année il y a des choses, c'est pas pour tout le monde. Fali hada qala al-Imam Ibn Abd al-Barr rahmatullah alayhi qala wa minhu ma huwa fard 'ala al-kifaya. Il y a des masail, des choses, c'est pas obligatoire pour tout le monde. قال إذا قام به قائم سقط فرضه عن أهل ذلك الموضع هو الذي يلزم الجميع. نعم. Ce qu'on appelle فرض الكفاية. أي si une partie de la communauté elle fait des efforts في هذا الشيء فالوجوب يسقط عن الآخر. قال هو الذي يلزم الجميع فرضه من ذلك. Et c'est ce qui nous intéresse nous l'un dans notre muqaddima. Il y a des choses, c'est obligatoire pour tout le monde. Talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Qala al-imam ibn Abd al-Barr rahimahullah alladhi yalzam al-jami' farduhu min dhalik. On est tous concernés ya ikhwan par ces choses qu'il va citer. Ay fil ilm on doit faire des efforts fi hada. C'est obligatoire. قال ما لا يسع الإنسان جهله من جملة الفرائض المفترضة عليه نحو الشهادة باللسان والإقرار بالقلب اي نعم et tout ça c'est lié avec les durus de التوحيد الشهادة باللسان اي الشهادتين et ce qu'elles impliquent les شروط المعنى l'explication les contradictions النواقض les annulations etc tout ça c'est wajib ala jami' al-muslimin li'anna ta'a muslim bi hadhihi ash-shahada tu dois connaître le sens et tu dois connaître les choses qui annulent cette shahada hatta tabta'id 'anha wa lillahi alhamd on a expliqué hadhihi ash-shahada dans plusieurs hadhihi ash-shahada dans plusieurs durus thumma qala بعد ذلك bien sûr avec الشهادة إلى ست الإيمان العقيدة etc كذلك قال وأن الصلوات الخمس فريضة ويلزمه من علمها علم أو علم ما لا تتم إلا به من طهارتها والسائر أحكامها كذلك تي concerné par الصلاة بني الإسلام على خمس قال عليه الصلاة والسلام إلى ست الشهادة إلى ست الصلاة Enfin, tout ça t'est concerné, Anta. Tu dois connaître les choses qui annulent cette salah. Tu dois connaître les conditions, les obligations. Tu as besoin de tahara pour que ta salah t'allait accepter. Tu dois connaître ahkam al-tahara. Qala Ibn Abd al-Barr, wa anna sawma ramadhan fardun wa yalzamuhu ilmu ma yufsidu sawmah wa ma la yatim illa bih.

une deuxième récompense. Le premier hadith, laysa lahu jaza'un illa al-jannah. Le deuxième hadith, Allah subhanahu wa ta'ala il lui pardonne ses péchés. Yardi' ka yawma waladathu umm. On nabbah anna lafd ka yawma, on l'a lu bil fath. Lianna ya akhilaf, est-ce que tu dis ka yawmi ou ka yawma? والذي يظهر أن كيوم سأفصح إلى مبني على الفتح. بعضهم يديز كيجوز ديخ كيوم هذه هذا تنبيه من حيث اللغة. وغبي عن الحديث من حج لله فلم يرفث ولم يفسق ورجع كيوم ولدته أمه. Donc pour avoir la récompense, le Nabi صلى الله عليه وسلم il te montre les conditions. أولا من حج لله. Il faut que ce hajj soit sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une ibada. Wa'budullah. Wa la tushriku bihi shay'a. Kadhalik lam yarfuth. Kadhalik lam yafsuq. Tout ça, ça y est, c'est ma'ana. L'explication de ce hadith, l'an. Lakin, tambihun avant qu'on lit kalam al-hafiz al-imam ibn Rajab rahmatullah alayhi, ana pour te montrer anna ihris akhi al-karim que taniya. Taniya et ton objectif, c'est ce hajj. Lillah. Pas pour qu'on dise Fulan il a fait le hajj. La afatan. Ça c'est min bab riya. Et là, chaque anna celui qui a cette niya wal ayyadu billah, il rentre pas dans les conditions là. Il revient pas comme le jour où sa mère l'a enfanté. Afatan. Afatan. Lianna al hajj al mabrour, la budan yakun khalisan lillahi jalla wa ala. قال الإمام ابن رجب رحمة الله عليه في كتابه النافع لطائف المعارف فيما للمواسم من وظائف. C'est un kitab jamil هذا. Un kitab il te montre chaque mois de l'année, il te montre les fada'il qu'il y a dans ce mois et les a'mal qu'il y a dans ce mois. مثلاً شهر رمضان. Et il t'explique qu'il y a dans ce mois, il y a, c'est un mois sacré أولاً, et tu dois faire le jeûne, tu dois, etc. شهر ذي الحجة. Il t'explique que c'est un mois sacré, كذلك, et il y a une ibadah azima, al-hajj. Shahr Muharram, كذلك, il te montre. Anna, tu dois jeûner tel jour. Fa'il est nafi' jiddan, c'est un kitab nafis. La ta'if al-ma'arif, fima lil-mawasim min wada'if. Al-mawasim, c'est les périodes. Wada'if, wadifa, c'est un amal. Une chose que tu dois faire dans ces périodes. Il t'explique chaque mois. Rahmatullah alayhi. Qala fa ma'rifat. أو فمغفرة فمغفرة الذنوب أي كسيتي dans le hadith من حج لله فلم يرفض ولم يفسق وراجع كيوم ولدته أمه أي الله سبحانه وتعالى lui a pardonné tous ses péchés. قال الإمام ابن رجب رحمة الله عليه فمغفرة الذنوب بالحج ودخول الجنة. Les deux hadiths qu'on a cités, les deux hadiths qui sont de Abu Huraira رضي الله عنه, et les deux ils sont في الصحيحين. قال مرتب على كون الحج مبرورا. Pour avoir cette récompense, il faut que le hajj soit mabrour. La question qui se pose الان, c'est quoi le hajj mabrour? قال وانما يكون مبرورا باجتماع امرين فيه. Deux choses, اخي الكريم, pour que ce hajj il soit mabrour. ننبه الاخوان, ceux qui écoutent avec nous الان, et ceux qui écouteront, inshallah, plus tard, annahum yukhan des notes. Lianna, ces drous l'an, c'est des drous muhimma. Inshallah, on appuie avec des preuves, min al-kitab, min al-sunnah, avec kalam ahl al-ilm. Inshallah, prenez des notes. C'est pas une muhadara. Hatta al-muhadara, tu l'haqiqa, c'est à la nafi'a. On prend des notes, nastafid, hatta on propage. Lakin, ces drous l'an, rubbama ta ton père, rubbama ta mère, rubbama ton frère, ton oncle, ou autre, ils vont faire le hajj. Anta, si t'as des notes, t'as écouté, t'as participé, walillahi alhamd, si t'as un ishkal, t'as posé ta question, et t'as des notes, c'est quoi le hajj al-mabrour, matalan, tu cites le dalil, tu cites la récompense, tu cites, voilà, tu résumes, t'es pas obligé de tout noter. Et on avait fait des dros, walillahi alhamd, ma'al ikhwan, fi kayfiyat l'istifada, comment tu profites des dros, al-manhajiyya, etc. Enfin, c'est mohim. Enfin, on applique l'an dans ces dros. Hatta, al-fa'ida l'a'azam. النفع إلى أكبر. أما مجرد tu écoutes, ربما on finit le dars, tu révises pas, t'as pas pris de notes, ربما tu rapportes le kalam pas comme on l'a dit, ربما tu oublies quelque chose d'important, ربما ça se mélange. Voilà, هذا c'est du ilm, c'est une amana azim. فنحن on est des talabat al-ilm, on s'habitue à ça. Des notes, mukhtasara, inshallah tu profites toi awwalan, et tu peux faire profiter les autres. نسأل الله سبحانه وتعالى يعين الجميع. قال وإنما يكون مبرورا باجتماع أمرين فيه. Deux choses pour que le hajj soit mabrour. La première chose, أحدهما أي الأمر الأول قال الإتيان فيه بأعمال البر والبر يطلق بمعنيين أي على معنيين. أولا la première chose pour que le hajj soit mabrour, أخي الكريم, pour que tu profites de cette récompense qui est citée, أي Allah il pardonne tes péchés, et la récompense est le jannah. أولا الإتيان فيه بأعمال البر. Pendant ce hajj, tu fais des bonnes actions. قال والبر يطلق بمعنيين. Ce bir, ces bonnes actions, il y a deux cas, ou deux sous-catégories الآن. قال الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه قال الأول بمعنى الإحسان إلى الناس. Vous suivez الآن. لابد pour que le hajj soit mabrour, premièrement, أعمال البر, que tu fasses des bonnes actions. Les bonnes actions, Ibn Rajab il te montre, tu peux les diviser en deux sous-catégories. La première sous-catégorie, al-ihsan ila nas. Et les bonnes actions avec al-makhluq, avec les créatures. Qala kama yuqal al-birr was-sila wa dhidduhu al-uquq. Na'am. Tu dis matalan birr al-walidayn. Et c'est une bonne action qui est liée avec tes parents. Et t'as un bon comportement avec tes parents. Al-ihsan ila al-walidain. Le contraire, al-uquq. Uquq al-walidain. Et un mauvais comportement, désobéissance aux parents. Hada. Al-ihsan ila al-nas. Par rapport au hajj, ça va englober plusieurs choses. Ça va englober, na'am, plusieurs choses. Al-rifq ma'al-rufaqa. T'as de la douceur, akhi al-karim, avec ceux qui sont avec toi. Khasatan si c'est des proches. كذلك الصبر على الحجاج كذلك تباسيونت مع اخوانك تعلمون ان في الحج يا بوكو دو مون زحمه ربما يا دي اندرو سي جوست avec la fatigue لا بد من الصبر باسيونت avec tes frères باسيونت خاصه اكثر الناس يسون على جهل اي كونيس با اي يا دي فيي بيرسون دي بيرسون مالاد ربما يباسيونت با بور دي شوز مينيم فانت اصبر. كذلك تعليم الناس تصاصي من الإحسان إلى الناس في الحج تعليم الناس النصيحة الدعوة الأمر بالمعروف النهي عن المنكر تصاصي لون تي كاباسيتي بلا تكلف نتنبوز با إنو ديباس با لبون في هذا لأن بعض الناس ربما يفعل خير يديباس لليميت لا انصح بالرفق بالتي هي أحسن إلا أكسبت الحمد لله إلا أكسبت با ولله الحمد يدي مليت بيرسون أكي تبو فير النصيحة. Non, sans hausser la voix, sans s'énerver, sans lianna le waqt li yassir était dans n'am ibad azim, tu as besoin de temps, etc. Fala tudayya waqtak. S'il accepte, alhamdulillah, il accepte pas, t'es pas mas'oul anhu. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Fa alhamdulillah, tu peux avec la langue, tu peux avec ton cœur, sah. كذلك ça donc c'est la première sous-catégorie al-ihsan ila an-nas. Deuxième sous-catégorie fi'l at-ta'at kulliha. Ay al-an ay al-ibadat. Ay l'adoration, les bonnes actions, ay tu fais les adorations que Allah subhanahu wa ta'ala t'a légiféré. Wa hadha ça englobe beaucoup de choses. Awalan al-ikhlas comme on a cité. كذلك al-muhafadha 'ala as-salawat. كذلك الأذكار المشروعة كذلك تطبيق السنة etc. إن شاء الله on détaillera certains points. Donc الأمر الأول pour que le حج يسوى مبرور البر الإتيان فيه بأعمال البر أي on fait des efforts pour faire des bonnes actions في هذا الحج que ça soit par rapport au makhluk on a l'ihsan, on a un bon comportement, on patiente etc. أو et c'est ça al-aham al-asl qu'on adore Allah subhanahu wa ta'ala seul, et c'est ça notre but fi hadha al-hajj. Deuxième point pour que le hajj soit mabrour, qala ibn rajab rahmatullah alayhi al-amr ath-thani mimma yakmulu bihi bir al-hajj اجتناب فعل الإثم فيه اجتناب أفعال الإثم فيه. Premier point donc c'était Albir, tu fais des bonnes actions. Deuxième point, tu t'écartes des muharramat, tu t'écartes des bidats, tu t'écartes des khurafat, tu t'écartes du shirk. Enfin, si tu appliques ces deux points, un, tu fais les bonnes actions et tu t'écartes des mauvaises actions, Inch'Allah ta'ala, ton hajj il est mabrour. Et tu rentres chez Qawlillahi Azza wa Jal, wal hajj al mabrour, laysa lahu jaza'un illa al jannah. قال ابن رجب رحمة الله عليه قال اجتناب أفعال الإثم فيه من الرفث والفسوق والمعاصي قال الله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. نعم استدل بالآية في سورة البقرة ومن سورة البقرة إن شاء الله reviendra sur ce verset. On lit الآن نعم on lit تفسير الشيخ سعدي رحمة الله عليه مختصرا قال قال الشيخ سعدي في التفسير قال الرفث هو الجماع. فمثلا ست شوز كالله سبحانه وتعالى إلى سيتي في القرآن الكريم فلا رفث. الشيخ سعدي تكسليك الرفث سي الجماع ومقدماته أي دي غابور أفور دي غابور avec sa femme أو حتى المقدمات قال الفعلية والقولية que ce soit des paroles ou passer à l'acte. Tout ça c'est haram fi al-hajj. Dès que tu es en état d'ihram, comme Azayati Ma'ana, tu n'as pas le droit de faire ces choses-là. Enfin, celui qui s'écarte de cette chose-là, et bien sûr de tout ce qu'on a cité, Inch'Allah son hajj, il est mabrour. قال والفسوق هو جميع المعاصي. نعم, من كذب وسرقة وغش وسب والشتم, etc. Inch'Allah, celui qui s'écarte de ces ma'asi, et il fait des efforts fi الطاعات واتقوا الله ما استطعتم فإن شاء الله صح حج لمبرور. كذلك من فضائل الحج ما روى الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر ابن العاص رضي الله عنه قال أما علمت يا عمر أن الإسلام يهدم ما كان قبله. فضل الإسلام celui qui se convertit et ça c'est une bouchra ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Ça c'est une bouchra, celui qui se convertit, al-islam yahdim ma kana qabla. Toutes les erreurs, tous les péchés, hatta al-kufr wa al-shirk wa al-ilhad, etc. S'il se convertit, wa yatoub, tawbatan nasuha, fa Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne toutes ses fautes, tous ses péchés. Qala wa anna al-hijra, tahdimu ma kana qabla. Fadlu al-hijra, kadhalik, fadlu azim. Anna celui qui fait al-hijra, sincère, il est sincère لله عز وجل لا للدنيا لا il fait l'hijra لله pour préserver son din لأن في بلاد الكفر il est en danger. C'est ça sa niya. Cette hijra تهدم ما كان قبلها أي من المعاصي من المعاصي. Allah subhanahu wa ta'ala il lui pardonne ses fautes. قال وأن الحج يهدم ما كان قبله. Et c'est ça الشاهد من الحديث أن الحج celui qui fait الحج bien sûr le hajj le mabrour qu'on a cité lillahi azza wa jal fahada Allah subhanahu wa ta'ala il lui pardonne ses fautes bi hadha al hajj. Wa fi sunan an Abdullah ibn Mas'ud wa jaa'a an Ibn Abbas kadhalik radiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala tabi'u bayna al hajj wal umrah fa innaha aw fa innahuma yanfiyan al faqr wal dhunub. Ça c'est une bouchra كذلك. قال فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. خبث الحديد. نعم. Donc الحج والعمر. قوله تابع أي essayer de faire chaque année pour celui qui a le qudra. Pour celui qui a le temps, pour celui bien sûr c'est pas obligatoire comme ça يأتي معنا أن الحج والعمر c'est واجب une fois, لكن في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يتمنط فضل لفت دو فير سوفون تابعوا بين الحج والعمرة أي لزيغور كي انتخ الحج والعمرة. مثلا تو في الحج ستاني تو لا في لاني درنيير إن شاء الله تو لو في لاني بخوشين انتخ شك حج شك عمرة الله يتبغدن تبشي. الحديث أو لدو حديث حديث عبد الله بن مسعود كذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما حسنهما الإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمة الله عليه في كتابه النفيس الصحيح المسند. تنبيه هنا وفيه تنبيه أن التكرار كسيتي إلى مهم لكن بعض الإخوان ils veulent l'ajr, la chèque, ils font des efforts pour ça, mais ils font le hajj tous les ans, et certains d'entre eux, ils vivent encore inda al kuffar. Et tu sais que le hajj c'est obligatoire une fois, et l'hijra c'est obligatoire. Mais faire le hajj une autre fois, avec son obligation, c'est pas obligatoire. C'est une nafila, tatawwu'. Mais l'hijra c'est obligatoire. فالتنبيه هنا أنا بعض الإخوان يفعل الحج ولله الحمد ثم يغفين ثم une autre année يغفل الحج ثم une troisième année ثم une quatrième année et il revient دائما عند الكفار et ربما s'il est conseillé de faire la hijra qu'un frère il le conseille de faire la hijra ربما il n'a pas les moyens وهذا في الحقيقة on lui dit يا أخي الكريم قدم الواجب على النافلة الواجب يباس avant النفل et خاصة أنت le but de ce حج c'est qu'Allah il pardonne tes fautes Inch'Allah t'avance dans mon din أما en revenant عند الكفار en revenant عند الكفار tu fais du mal à ton din tu fais du mal c'est pour ça que ceux qui font le حج et celui qui a fait le حج et qui est revenu في بلاد الكفر il a ressenti هذا تنظيق شديد لأن tu sors d'une عبادة عظيمة et tu étais dans un بلد طيب un بلد comme on a expliqué hier dans le Muhadra, qui donne l'importance à l'islam et qui respecte les muslimines. Thumma, tu reviens عند al-kafara, al-mulhidin, la chèque que ça te fait du mal. Alors, on conseille les frères de faire al-hijra. Elle est wajiba. Elle va te préserver ton din, bi-idnillah azza wa jal. Et le fadl, il est azim. Al-hajj, il efface les péchés, kadalik, al-hijra. On قدم الواجب على النف et ثم si Allah subhanahu wa ta'ala il t'a facilité le hijra ثم il te facilite mal wa waqt wa qudra et tu fais le hajj tous les ans بعد ذلك فنور على نور اما on reste في بلاد الكفر et on fait le hajj tous les ans et on ne fait pas le hijra واجبة فلا et تعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم il a fait le hijra بل وجوب الهجرة il est avant وجوب الحج بالإجماع أي الله سبحانه وتعالى il a rendu obligatoire الهجرة au prophète صلى الله عليه وسلم avant l'obligation du حج فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم il a fait الهجرة ثم il a fait الحج هذا c'est مهم هذا c'est مهم لأن نرى بعض الإخوان ça fait des années ils font le حج ils font le حج et ils habitent toujours عند الكفار ils sont en danger eux et leur دين il est en danger نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله ووفقه لكل خير إلى أن رسالة نافعة on va citer quelques références في الباب لكن الآن on va lire de cette رسالة تفسير تفسير الناسك بأحكام المناسك et il a cité un chapitre مهم الآداب والأخلاق آداب وأخلاق يكون عليها الناسك الناسك c'est celui qui fait مناسك الحج أي c'est الحج في حجه وعمرته. Et ça c'est un bab muhim. C'est pour ça qu'on va le lire. أي celui qui fait le حج والعمرة, il doit avoir un comportement. Il doit avoir un comportement. لأن il est pas tout seul. لأن il est في عبادة عظيمة. Il est ربما dans un hôtel. Il est avec un groupe. Il se déplace en groupe, etc. Face à demande des adab ou des akhlaq. الأدب الأول كلا سيتي الشيخ عبد المحسن et c'est le plus important الإخلاص la sincérité قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء des choses qu'on lit ils sont pas dans رسالة الشيخ عبد المحسن مثل هذا الدليل نحن on lit et on rajoute لكن tous les points qu'on cite là, la base, on se base sur Risala Cheikh Abdel Muhsin, hafidahullah. Wa fi sahih muslim, an Abi Hurayra, radiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qala Allah tabaraka wa ta'ala, fal hadith c'est un hadith qudsi, ana aghna shuraka ani shirk, man amila amalan ashraka fihi ma'i ghayri, taraktuhu wa shirka. Fal amal al maqbul, sal amal al khalis. Si tu veux que ce hajj soit accepté, premier comportement que tu dois avoir, c'est ma'allahi subhanahu wa ta'ala. C'est que ta niya, ton qasd, ton intention, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ou fil hadith as-sabiq qu'on a vu, man hadda lillah falam yarfut walam yafsuq ila akhirih raja'aka yawma waladathu ummu. Cette condition, al-ikhlas. Et c'est une condition pour tous les a'mal. Qala al-hafidh ibn Rajab rahmatullah alayh fi lata'if al-ma'arif qala wa mimma yajib ijtinabuhu 'ala al-hajj wa bihi yatimmu birru hajjihi an la yaqsid bihajjihi رياء ولا سمعة ولا مباهلة ولا مباهاة ولا فخرا ولا خيلاء. Et ça c'est مهم. Et ça c'est مهم أي de purifier ton intention أخي الكريم. قال ولا يقصد به إلا وجه الله ورضوانه ويتواضع في حجه وتسكين وقال ويخشع لربه. نعم فالإخلاص. Ikhlas, c'est une condition pour l'acceptation de toutes les œuvres. Fanahnu la cite هنا في باب الحج. ثم يسيت une parole jamila لشريح. قال شريح الحاج قليل. الحاج أي ceux qui font le حج. Pas confondre dès qu'on dit le حج et on dit le حاج. Le حاج c'est celui qui fait le حج. قال الحاج قليل أي ceux qui font le حج ils sont قليل. قال والركبان كثير. الركبان c'est ceux qui se déplacent. C'est quoi l'un qui fait la différence entre Al-Hajj ou Al-Rukban? Qala Shuraih, ma akthar man ya'mal al-khayr, walakin ma aqal al-lazina yuriduna wajha. Shuraih, il te montre qu'il y a كثير من الناس qui font l'Hajj, lakin ربما la niya est mauvaise. Fal-Rukban كثير, ceux qui se déplacent. Lakin Al-Hajj, est celui qui fait un Hajj, sahih, khalis lillah, ils sont aqal. Ils sont aqal. Enfin, on fait des efforts fi hada. Et on conseille via hada al-bab. La première chose que al-hajj, celui qui veut faire al-hajj, il commence, c'est sa niya. Fala taghtar, akhi al-karim, bima yaf'aluhu al-juhal, honak. Min al-ghulu, fil qubur, ou al-tamassuk bi judran al-ka'ba. Ça, c'est le jahl. Tu trouves, wahid, il s'accroche à la ka'ba. Wahid, il s'essuie. Ala al-turab, que ce soit fil baqi' ou autre. بل بعضهم يدعو ويستعين ويستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم. Et tout ça c'est من الشرك. رسول الله صلى الله عليه وسلم نحبه. Et أمرنا بالاتباع. Pas le shirk. فالرسول صلى الله عليه وسلم c'est un guide, c'est notre imam. C'est la personne que l'on aime le plus. لكن العبادة c'est لله. وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. سنقلب جميع المخلوق جميع المخلوقات لكن للأسف هناك يتقطع قلبك دكتب وهذا هذا المنظر واحد يدمض بخفت عليه الصلاة والسلام يا رسول الله بهذا اللفظ. قال الله عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون. النبي صلى الله عليه وسلم يموت. Et même s'il serait vivant, tu ne peux pas l'invoquer dans une chose qui est réservée à Allah subhanahu wa ta'ala. Hada c'est khatir jiddan. Wa ba'dhum wal 'iyadu billahi c'est une musiba كذلك. Wa ba'dhum idha raja'a wa intaha min al-ityan bi hadhihi al-ibada al-'azima, il revient du hajj et normalement il doit espérer qu'Allah lui a pardonné ses péchés, etc. Qu'il a la récompense de l'Jannah, il est revenu comme le jour où sa mère l'a enfanté, etc. Tout ça, il l'annule, il égorge pour une tombe, pour Sidi Foula. Après, ça se fait beaucoup. Wallah al-musta'an. Au lieu de remercier Allah, et yashkur Allah subhanahu wa ta'ala, et il fait des efforts, il continue à faire des efforts après cette ibadah azima, il annule tout, le shirk. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Il revient du hajj, au lieu d'avoir la récompense qu'on a citée, il annule tout. Il annule son hajj, il annule sa salat, il annule son islam. S'il égorge pour une tombe et il se rapproche de cette tombe, وَالْعِيَدُ بِاللَّهِ, c'est عَيْنُ الشِّرْكِ. الحذر الحذر الحذر on fait des efforts في الدعوة في هذا الباب لأن بعض الناس مساكين sont على الجهل

hafid alayha. Ou al-hifaz alayha, c'est bien l'ikhlas, et tu fais comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il faisait. Ne rajoute pas. Ça sera un khayr, un nabi sallallahu alayhi wa sallam il l'aurait fait. Ne rajoute pas. Hada din, c'est bien l'ittiba', la bien l'ibtida'. كذلك الشيخ عبد المحسن إلى ستة من الآداب والأخلاق أن يحرص أو يحرص في سفره للحج على صحبة الأخيار كذلك هذا مهم تشوزي أن جروب إن شاء الله فيه أخيار والصالحين bien sûr c'est par rapport à la capacité هذا لكن si tu te rends compte ou tu sais que واحد dans le groupe il fait des fitanes Obama, il se bagarre, il insulte, il a un mauvais comportement. Si tu peux conseiller, conseille. Wa illa fabta'id an. Fabta'id min. Ça va te faire des problèmes et tu vas perdre ton temps. Fa musahabat al-akhyar, c'est muhim. Kadhalik min al-adab, an yakun ma'ahu fi safarihi ma yahtaj ilayhi min al-mal. Hatta la yahtaj ila ma inda al-nas. Ça c'est muhim. Al-iffa. Qala alayhi sallallahu alayhi sallam, wa man yasta'fif yu'ifuhu Allah. Al-iffa. Tu vas avec ton propre argent. Et Inch'Allah, tu dépends de personne. Tatawakkal ala Allah. À m'attendre la main, comme ils font certains, que ce soit fil hajj ou autre, ça te fait du mal et ça fera du mal à ton din. Kadhalik mina al-adab wal-akhlaq, ay yatahalla bil-akhlaq al-karima, wa yu'amil ghayrahu mu'amalatan hasana. Et ça, c'est muhim, le bon comportement. Le bon comportement, la douceur, c'est ça l'asl. Naam, tu passes le salam à tes frères, le groupe qui sont avec toi, si quelqu'un a besoin de quelque chose, at-ta'awun, tant que c'est ala al-khayr, etc. Qala sallallahu alayhi wa sallam, ittaqillah haythuma kunt, wa attbi'i al-shay'at al-hasana tamhuha, wa khaliq al-nasa bi khuluqin hasan. الحديث اللي في الأربعين وفي صحيح مسلم وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه أن يؤتى إليه ça c'est مهم أن ce que t'aimes toi ce que tu veux que les gens ils te مثلا un كلام طيب ils te respectent etc كذلك أنت tu te comportes avec les gens comme tu aimerais que les gens ils se comportent avec toi et ça c'est مهم في الحج لأن الحج c'est un groupe ربما Tu auras rarement de la solitude. Enfin, tu as besoin de patience. Tu as besoin d'avoir un comportement. L'Enarobama prend l'exemple dans une chambre. Vous êtes 5, 6, 7. Si tout le monde a un bon comportement, tout le monde respecte l'autre, Emma. Ben, Inch'Allah, t'es stafid, min ikhwanik. Adlama, ben, look, t'es dans une chambre avec 5 et ils ont un mauvais comportement. Et c'est ce qui se passe des fois. Thumma, t'entends, na Fulan, il s'est battu, Fulan, il a insulté, Fulan. Na'oudou billah. في حرم الله عز وجل on devrait pas se comporter comme ça بل في غير الحرم لكن في الحرم c'est أشد كذلك من الآداب كلا سيد الشيخ عبد المحسن أن يشتغل بالذكر والدعاء والاستغفار كذلك ورشوت وقراءات القرآن والعلم فيحفظ لسانه كما قال الشيخ عبد المحسن ويحفظ لسانه إلا من الكلام بالخير ويشتغل ويشغل وقته فيما يعود عليه بالعافية بالعاقبة وبالعافية وبالعاقبة كأنه الحميدة في الدنيا والآخرة وقد قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقال صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ رواه البخاري عن ابن عباس هذا خلق عظيم الاشتغال بما يعنيك والاشتغال بالعبادة بالذكر بالقرآن خاصة هناك خاصة هناك تدعون عبادة عظيمة أما كثرة المخالطة والقيل والقال فلان لدي فلان لف ça sebeb de fitan et tu te feras du mal et tu feras du mal aux autres et tu feras du mal à cette ibada azima ya akhi c'est une force tu sais pas est-ce que tu pourras refaire le hajj après cette année ma tadri est-ce que tu seras encore en vie est-ce que tu auras les moyens est-ce que ma tadri fa profite-en ton but c'est de revenir comme le jour où ta mère elle t'a enfanté ton but comme a dit le nabi sallallahu alayhi wa sallam al hajj mabrur laysa lahu jazaa'un illa al janna fa truk al fitan les choses qui te font du mal. وحذر كل الحذر أخي الكريم من الجدال. خاصة dans les chambres. dans le transport, quand il y a du monde, wal-jidal, wal-khusuma, le but c'est pas le haq. Fulan il veut humilier Fulan il veut avoir le dessus, les fitan, Fulan il a dit. Abadan, firer le hajj, on ne doit pas se comporter comme ça. Lakin fi al-hajj, c'est al-amr, il n'est pas sahl. Qala Allahu Azza wa Jal, al-hajj, ashhur ma'lumat, faman farada fihin al-hajj, fala rafatha wala fusuqa, wala jidala fi al-hajj. Al-shahid qawluhu Azza wa Jal, wala jidala fi al-hajj. Ça c'est un nahi min Allah subhanahu wa ta'ala. Fattaqillah fi nafsik wa fi ghayrik. Kadhalik min al-akhlaq, أن يحذر إذا غيره بقول أو فعل كذلك on l'a cité لكن شيخ عبد المحسن il le recite هنا نعم للأهمية قال عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده الحديث اللي في الصحيحين هذا المسلم المسلم il doit pas avoir peur de toi لا من لسانك لا من يدك il est في سلامة منك. هذا سيسا المسلم فاحذر تفاس دو مال اتون فخير خاصة لي بيرسون زاجي هنا تعلمون ان اون كلمة اون بارول احيانا سا بليس بوكو بلوس كو ان كو اون بارول ولا ان رغا فلو فون كومبورتمون سي مهم اي سي تو ترومب او تو غليس او تا يو ان موفي كومبورتمون سا اريف الانسان اللي با معصوم نعم بنو ادم اون ايتي كري كوم سا وخلق الانسان ضعيفا لكن si il t'arrive un manque توب الى الله et demande pardon à ton frère. نعم لان ton frère ولا si tu as eu un mauvais comportement ou une mauvaise parole si tu lui demandes pardon et tu توب الى الله قبل ذلك ان شاء الله le frère ça lui fera du bien le mal que tu lui as fait avec cette demande de pardon باذن الله Allah subhanahu wa ta'ala il te pardonne et ce frère ان شاء الله il te pardonne فهذا C'est مهم. كذلك on cite نعم ذهب الوقت. On essayera de faire des cours نعم de moins d'une heure. لأن المشكلة الآن c'est le وقت. وقت الحج في الحقيقة on s'y est pris un peu tard. لكن الحج c'est bientôt et nous on espère finir ces دروس. On va résumer avant pour que ceux qui écoutent s'y partent au حج y profitent. Inch'Allah on essayera de faire moins d'une heure. Enfin on finit avec une nasiha fi hadha al-bab bab al-idha le comportement ihdhar akhi al-karim min fitnat at-taswir fitnat at-taswir c'est une fitna wa lil-asaf fi al-haram que ce soit al-makki ou al-madani hadha al-fitna li muntashira li'anna an-nas sont ala al-jahl fahdhar anta ta sunni wa lillahi al-hamd t'écoutes des dourous tu fais des efforts fabta'id min hadhihi هذه الفتنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله المصورين. إكحت الشبه. سين سورة. سين حرام. أما بعض الناس ربما يبون دير ما شيخ فلان إلى دي. شيخ فلان إتا جامي دي دو بروند دي فوتو في الحرم. إي دو ديرانجي لي جون. إي تو ديليس الأذكار. تو لي بلو القرآن. إي الشيطان يغون. لأن سيت فوتو إلي بريز. ثم تو لونفوا أ فلان. ثم الرياء. Ta niya elle est plus bonne. Cheikh Foulan ne t'a jamais dit de prendre des photos fi hada. Ihfad ala dinik, hafid ala dinik. As-salamatu la yu'diluha shay. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqul ashaddu an-nas adaban yawm al-qiyamah al-musawwirun. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqul kullu musawwirin fi an-nar. Fala takun sababan lish-sharr ala nafsik aw ala ghayrik. Ya aucune fa'ida. Elle est où la fa'ida? La fa'ida du hajj. Toutes ces générations hein, qui ont fait le hajj avant nous, ça n'existait pas la photographie. Est-ce qu'ils ont eu un manque? Abadan. Leur but c'était l'ikhlas. Amma nahnu l'an, c'est un bab khatir fil haqiqa. Wallahi, tu trouves bard al-nas, ils font des photos de famille, عند الكعبة. Et ils sont en ihram. Un wahed, il demande à l'autre de le photographier. Limada? Qu'est-ce que tu veux? C'est une ibada? Ou tu veux que les gens ils te voient? Ou... C'est un bab khatir jiddan. Et les ulama yuhadhirun min hada. Et nous, on doit s'entraider fi hada. Il n'y a aucune haja, bel, il y a un darar azim. Il y a un darar azim. Et tu fais du mal à certains. Ahyanan, tu fais le tawaf, tu ne peux plus passer. Hada, il fait une photo là. Hada, il filme. Tu le conseilles, il s'énerve. Ça, c'est du ida, les musulmans. Et là, il y a du zulak. Khassatan fil haram. janib al-Ka'ba. Et il se passe ces choses, fallah al-musta'an. Kadhalik, on conseille les frères, an-nagamat, et les sonneries des téléphones. Ya akhi, quand tu rentres fil haram, éteins ce téléphone. C'est pas un moment pour appeler ou pour khasatan quand tu fais tawaf, etc. Ou si tu le laisses allumer, il n'y a pas avoir une hajja, mets-le silencieux, akhi al-karim, au vibreur. Si tu as un appel mohim, il y a juste de parler. Ça, faut que ça soit fait masjid al-haram ou autre, il y a juste. Hatta en étant d'ihram, en état d'ihram, il y a juste de parler au téléphone, khasatan s'il y a une hajja, etc. Lakin, وبعضهم مرة نبي واحد يفزي الطواف يدكريفه. il était au téléphone et il décrivait ce qu'il faisait. والمصيبة أنه يسفل ما etc. et il était في الطواف. نعوذ بالله من الفتن. فهذا. on fait attention les sonneries des téléphones. أحيانا c'est de la musique. أحيانا c'est de la musique. لا يجوز لك. la musique c'est haram. تصور أنت qui sait qui aurait pu croire il y a quelques années, les années 80, حتى les années 90. Il y aura de la musique et des images, des photos, etc. fil le haram. On ne parle pas des autres masajid. Les autres masajid, l'an, sallallahu alayhi wa sallam, fil le haram. On ne suit pas les gens. Je ne suis pas les gens. Tout le monde fait, je fais. Yom al-qiyamah, tu seras tout seul. Et tu as entendu, on t'a lu les hadiths qu'on a cités. Kadhalik, tambih, Bardana, s'il pense, je ne mets pas de la musique dans mon téléphone, je mets du Qur'an. Mais le Qur'an, ce n'est pas fait pour les sonneries. Qur'an, tu mets dans ton téléphone pour écouter, taïb. Amma, une sonnerie, là, l'ana rupa ma t'es au WC, le téléphone il sonne. Et c'est du Qur'an. Et qui c'est qui t'a autorisé à mettre du Qur'an dans les WC? On a oudou billah. Laisse un téléphone, mais une sonnerie normale. Mais une sonnerie normale, c'est qu'un téléphone. Si tu veux du Qur'an, si tu veux ces choses-là, enfin, ma'rouf, pour écouter, pour lire, il y a des moments. Hada, c'est quelques nasaïr qu'on voulait faire, cette muqaddimah. Avant de rentrer dans les ahkam, inshallah à partir de demain, wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq wa as-sadad, wa inshallah ghadan on continue les dourous comme on a dit, ça sera lundi, mardi, mercredi. Pour l'instant on fait à 19h15, lakin si on voit que le maghrib c'est proche, il y en a, le maghrib ça commence à se rapprocher l'an, inshallah ta'ala on descendra l'heure. Celui qui a un ishkal ou un tambih, Inch'Allah, il envoie sa question à l'adresse du site. Et Inch'Allah, si c'est par rapport à notre cours, enfin, on essaiera de clarifier dans les prochains durus. Hayyakumullah. Subhanakallahu hamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Ma'a tahiyyati dammaj afaq.com. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.